voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, il est encore question du dossier d'une annonce imminente à Robertval d'une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey. Hier, le commissaire Richard Martel a fait le point hier sur les ondes de CKJ avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Et dans un premier temps, Richard Martel a mentionné que le dossier progresse dans les trois villes et c'est des gens très, très crédibles qui sont à la tête de ces dossiers. Avec de très bonnes crédibilités. OK, dans les trois places. Surtout oui. Au Québec. Au Québec, on les connaît très bien. Mais oui. Je veux dire, moi, on a discuté déjà avec eux. Et les dossiers sont menés présentement de main de maître, by the book, avec une bonne transparence avec la ville. Mais tu ne verrais pas un politicien, là. Tu ne verrais pas. Je te demandais en pourcentage, Richard. Dans un deuxième temps, Richard Martel a mentionné que dans le dossier de Robertval, ben, le dossier avance et il devrait se déplacer à Robertval encore cette semaine pour travailler avec la ville et le directeur des loisirs. Robertval qui a très bien parlé en passant, qui a fait une très belle entrevue, puis qu'il y a des discussions cette semaine qui vont avoir lieu encore avec les gens de là-bas. Puis de plus en plus, il y a une grande motivation à Robertval. Puis justement, je vais possiblement me déplacer encore une fois cette semaine. Puis on va discuter comme il faut, parce que là, on veut faire avancer les choses, puis il y a des choses qui nous ont annoncées qui sont intéressantes là-bas. Alors, on va se déplacer, je te dis pas. Alors, ça aussi, ça va très bien. Mais demandez-moi pas, si on arrive à... Sais-tu pourquoi je te dis, demande-moi-le pas? Parce que ces équipes-là vont arriver à la table, puis ils vont dire, c'est quoi le fonctionnement du draft d'expansion? Si les équipes veulent pas avoir une meilleure ouverture pour le draft d'expansion, ils embarqueront pas dans la ligue. Parce qu'ils ont vu Vegas cette année, parce qu'ils ont vu l'engouement, puis ensuite de ça, une équipe d'expansion, quand tu as joué une ligue, c'est pas pour manger des volets à tous les soirs, c'est être capable de compétitionner avec les autres. Donc, à partir de là, il va falloir que les autres propriétaires donnent ces moyens-là à ces équipes d'expansion pour pas qu'ils restent là 6 mois puis qu'ils disent on n'est plus capable de toffer, on mange des volets à tous les soirs, j'ai pas de joueurs. On sait qu'il y a des rumeurs qui circulent actuellement que Richard Martel pourrait être faire partie du conseil d'administration ou même diriger la future équipe de Robertval advenant une défaite aux élections. On sait que Richard Martel se présente sous la bannière conservateur à l'élection partielle dans Chicoutimi-le-Fjord. Et Richard Martel n'a pas voulu ni affirmer ou encore nier cette rumeur-là. Ils m'ont dit oui. Bien sûr que on a le droit de faire. Tu sais, si t'es élu, c'est sûr qu'il y a la grosse charge de travail et ton gouvernement, puis c'est pour ta population aussi, c'est pour ton monde. Mais c'est certain qu'on peut avoir des activités à côté. Puis si les propriétaires décidaient qu'ils voudraient que je siège sur le comité ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on garderait ça, ou conseiller spécial, puis que je pourrais participer pour les aider. Bien sûr que je vais être ouvert à ça si ça ne nuit pas. Tout à l'heure à la politique. OK. Les assistants, c'était un peu... Pour notre passage à Allemagne, on a parlé avec le gardien de but Samuel Harvey. On sait que Samuel Harvey a connu une bonne saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et dans un premier temps, même si l'équipe a été éliminée de façon rapide, Samuel Harvey mentionne que les Huskies ont connu une bonne saison. Une année de reconstruction. Ouais, ben tu sais, au début, les gens nous voyaient plus en reconstruction, sauf que... Les vétérans, puis peut-être un petit peu moins les gars qui arrivaient, parce que je savais pas trop à quoi s'attendre, mais les vétérans, là, vraiment dans le champ, on savait qu'on avait un meilleur club que ça. On savait qu'on était compétitifs, puis on avait hâte de prouver justement à tout le monde qu'on pouvait gagner des gros matchs. Fait que pour nous, ça a été, depuis le début de l'année, là, c'était de travailler fort, puis de battre d'avoir des gros matchs, des grosses victoires. C'était ça notre but, puis on a réussi à le faire. C'est sûr que là, rendu en série, là, on a perdu en première ronde, mais comme je te dis, on a quand même pris là, un... Début, Samuel Harvey espère avoir une invitation d'une équipe de la Ligue américaine de hockey pour le camp d'entraînement. Il laisse travailler son agent là-dessus. Écoute, j'ai travaillé fort cette saison. Puis j'ai eu des bons matchs, je me suis fait voir. C'est sûr, c'est un but pour moi d'avoir un camp, sauf que c'est pas moi qui vais contrôler ça. Fait que, à partir de ce moment-là, écoute, je laisse ça dans les mains de mon agent puis dans les mains du destin un peu. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si j'ai quelque chose, je vais être super content, je vais travailler très fort. Sinon, ben, je vais revenir à Rouyn. Puis. On va travailler encore plus fort pour avoir quelque chose d'un état fait. Dans un dernier temps, Samuel Harvey mentionne évidemment que sa stature l'a pas aidé à être repêché par une équipe de la Ligue nationale. Ben, je te dirais que ma stature m'a pas aidé. Pour vrai, tu sais, c'est sûr que ça rentre un peu dans la tête des recruteurs, sauf que j'ai travaillé beaucoup là-dessus cette année avec mon coach de gardien de but. On veut faire de moi un gardien qui paraît plus grand qu'il l'est. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Puis je suis capable de mettre mon corps devant la rondelle quand même assez bien. Fait que c'est pas un problème pour monter de niveau, je pense pas. C'est juste peut-être que j'attends que quelqu'un me donne la chance et on va voir comment ça va. Je vous invite à écouter la section entrevue de DonRadioSport.com. Hier, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Gilles Péloquin. Pélo qui persiste et signe. À 90%, il y aura une équipe de la Ligue nord-américaine à Robertval. Samuel Harvey, des Huskies de Rouyn-Noranda, était de passage à Alma. Donc, je me suis rendu et on lui a parlé. Et vous pouvez écouter l'entrevue que Michel Tifo et Dominique Bolduc ont fait sur l'émission Dans le vestiaire sur les ondes de CKJ avec le commissaire Richard Martel. Il fait le point sur Robertval dans la Ligue nord-américaine de hockey. Le sport local et régional, atteindre radiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.